Et de golf avec notre ami Michel Lallemand, c'est la chronique du club de golf de Chibougamau. Salut Michel! Bonjour, Michel, Denis. On va parler d'abord du championnat du club qui avait lieu. Il y a eu lieu à Saint-Prime, puis il y a lieu en fin de semaine, c'est tir de Boumsesni. Puis là maintenant, à Chibougamau, ben, c'est en fin de semaine. Passé. Oui, c'est en fin de semaine dernière. Okay. Une faible participation compte tenu qu'il y avait beaucoup d'activités dans le secteur. Seulement une trentaine de participants. Pas beaucoup, ça? Non, c'est pas beaucoup. C'est pratiquement la moitié de ce qu'on a généralement les autres okay. années. Là, il y avait un tournoi de balle qui nous a retiré beaucoup de joueurs. Puis il y avait deux autres activités, mais ça fait partie de la game, comme on ouais, dit. Okay. Fait que c'est de valeur parce que ça a été la plus belle fin de semaine de l'été au niveau du golf. Au niveau température, c'était... C'était chaud un peu, par. C'était vraiment formidable. C'était chaud un peu, par exemple. Si on se rappelle bien, là, c'était chaud un peu pour jouer au golf. Ça devait être chaud, là. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas eu grande lamentation non? par rapport à l'été qu'on a eu. Ah ouais, eu, c'est là, sûr, c'est sûr. C'était la Floride locale. La Floride locale. J'en ai parlé dans mon bulletin de sport local, mais si tu te rappelles, tu pourrais peut-être nommer les gagnants? Oui. Le grand gagnant, avec 155 Laurier Vincent okay. dans classe A. Okay. En classe BB, Jules Gagnon, 156. Puis en classe C, Alain Poirier, 190. OK, OK. Donc, chez les ouais. femmes, Lise Matt, avec. 162 okay. et en classe B, c'est Julie Pelletier, 180. OK, OK. Donc, c'est faible participation, comme tu disais. Oui. Pierre-Alexandre Bedard, j'y ai parlé sur les médias sociaux. Ça a mal été pour sa qualification pour la PGA Canada en fin de semaine. Oui, mais dans le fond, écoute, c'est un petit peu normal. Ouais. Je parlais avec son père, justement, hier, puis ce que Pierre lui disait, c'est que il a manqué plusieurs coups, que c'est des coups que généralement qu'il va réaliser assez facilement. Okay. Pierre, il met ça sur le compte un petit peu, la fatigue, beaucoup de tournois au cours des derniers temps, beaucoup de pression, a dû faire face à des parcours très difficiles. Okay. Donc, un petit peu de fatigue générale et mentale. Ouais. Puis aussi, compte tenu de son horaire chargé, il a été moins en mesure de faire des rondes d'entraînement régulières. Okay. Donc, il n'est pas quand même découragé de sa performance. C'est une belle expérience qu'il a vécue. Mm-hmm. Là, il prend quelques jours pour venir se reposer à Chibougamau avant de retourner là pour deux, trois autres compétitions qui s'en viennent au cours du mois de septembre. OK. Puis évidemment, par la suite, j'imagine qu'il va partir vers le pays du Sud, quoi. Il va immigrer comme beaucoup de monde. C'est ça. Ouais. Donc, c'est une étape de sa carrière qu'il veut mettre en avant. Donc, il va partir pour une saison de golf, possiblement une partie européenne, puis une partie aux États-Unis, avant de revenir le printemps prochain pour les tournois au Québec. OK. Parle-moi maintenant de ce qui s'en vient fin de semaine. En fin de semaine, disons, deux activités. Une première, c'est un tournoi au niveau des employés des chantiers Chibougamau, okay. tout près de 80 joueurs samedi. Et samedi, c'est dimanche, c'est l'Omnium Senior. Donc, tous les participants de 50 ans et plus, possiblement 45 joueurs et joueuses dans une formule amicale. Okay. Ça, c'est pas le circuit senior régional qu'on a ici, là, parce que les autres, ils ont quand même des... Non. C'est uniquement des joueurs et joueuses locaux. OK, OK. Donc, c'est... Puis en parallèle, nos 10 représentants seront à Dolbeau pour l'Interclub. Oui, championnat d'Interclub, effectivement. Oui. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Michel? Le tour pour la semaine, puis on s'en parle la semaine voilà, prochaine. Voilà, donc Michel Lallemand qui nous parlait de la chronique pas du soccer, mais du golf à Chibougamau.